bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Bienvenue dans l'émission de Portrait Civique, une émission qui dresse chaque semaine un portrait de jeunes en service civique. Alors l'émission d'aujourd'hui a été enregistrée à la maison de la Bresse. Je vous laisse tout de suite avec l'interview. Aujourd'hui donc on est à la maison de la Bresse, donc sur place avec Pauline. Alors la maison de la Bresse, c'est une structure qui accueille 6 expositions majeures d'art ou de patrimoine chaque année. Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. C'est ça. Ou bien, par exemple, aussi le Festival International de Sculpture de Camille Claudel. C'est également des expositions plus courtes, une vingtaine par an, et des événements variés, tables rondes, rencontres littéraires, artistiques, culinaires, philosophiques, conférences, ateliers et animations. Alors, le bâtiment accueille également d'autres structures, un point infotourisme, maison de service public, Haute-Moselotte et la maison des loisirs et de la culture. Alors, il y a un peu quel public qui vient? Est-ce que c'est les Bressots? Est-ce que c'est des touristes majoritairement qui viennent ici? Alors, on a quelques Bressots qui viennent assez régulièrement, qui nous suivent, mais c'est vrai que c'est plus animé en période touristique. Enfin, en ce moment, en tout cas, il y a du monde. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en détail en quoi consiste ta mission en service civique au sein de la maison de la Bresse? Alors moi je suis là surtout pour les animations enfants, parce qu'en fait la Bresse a le label Famille Plus, donc la maison de la Bresse aussi, mais on se voit obligé de proposer des activités pour les enfants et les familles. Donc là pendant les vacances j'anime des ateliers artistiques, toujours en lien avec l'expo, et puis ben voilà, je participe aussi au parcours enfant qui est sur chaque expo qu'on fait. Voilà. C'est quoi le parcours enfant? C'est leur faire visiter l'exposition? Alors, en leur expliquant petits, c'est toujours lié à l'expo principale. Donc, c'est des petits jeux. On a toujours des coloriages, des petites enquêtes pour retrouver les détails, des puzzles, enfin des choses pour initier les enfants et les intéresser un peu à l'expo, pour qu'ils soient pas, enfin déjà pour que les parents puissent profiter aussi de ce qu'il y a, et puis pour les initier un peu à l'art, quoi, qui s'arrêtent un peu plus sur les œuvres. Parce que des fois, il y a des arts, de l'art abstrait. Ah oui. Est-ce que ça leur parle, les enfants, ou justement, peut-être sans ces jeux, ils s'y arrêteraient peut-être pas, ils comprendraient peut-être moins ce que c'est Eh ben, pour le coup, les enfants très jeunes font beaucoup plus preuve d'imagination. Donc, l'art abstrait, ils s'amusent à dire « Ah, je vois un canard !» ce genre de choses. Enfin, ils trouvent toujours du figuratif dans l'abstrait, et donc... Donc ouais, les enfants vraiment jeunes, ça leur parle aussi, quand ouais. même, peut-être plus qu'aux adultes qui sont insensibles, ou okay. enfin certains adultes. Hein, mais oui, je pense que le parcours enfant permet encore plus de les amener à s'arrêter devant des choses qu'ils ne comprennent pas forcément, et ça ne les aide pas forcément à comprendre non plus, mais il n'y a rien à comprendre, hein, finalement. Ouais. C'est développer une sensibilité et puis les faire s'arrêter sur ce qu'il aurait proposé. Tu as parlé, par exemple, de Pulse. Par exemple, vous reprenez une œuvre et vous la faites imprimer et découper en Pulse, exactement. Il y en a deux par expo. Donc, il y en a une assez, ouais. un grand puzzle et un plus petit. Donc, on choisit des œuvres un peu marquantes de l'expo ouais. qu'on fait imprimer... Dans le coin, sur la Bresse, et puis c'est très chouette. Enfin, les enfants comme les adultes s'arrêtent souvent pour faire ça. Et du coup, vous faites aussi des ateliers plus créatifs, dans le sens où l'enfant, entre guillemets, va faire sa propre création. Oui. Donc, sur l'expo actuelle d'Annie Tremsal, déjà, on a eu des scolaires, donc toutes les écoles de la Bresse qui font des ateliers avec l'artiste. D'ailleurs, il y a l'exposition des enfants actuellement. Et Alors, juste pour les auditeurs, là, on est donc encore là où l'exposition est, mais malheureusement, du coup, l'émission passera après l'exposition. Voilà, mais après, il y aura d'autres expositions à venir et encore d'autres activités avec les enfants. Oui. Parce que du coup, voilà, pour revenir un petit peu sur les vacances de février, c'était donc c'est sur les arbres et les disques, c'est ça? C'est ça, entre autres. Enfin, l'exposition s'appelle De neige et d'encre. Et ça évoque beaucoup la nature, il y a beaucoup de formes circulaires. Et donc tous nos ateliers jouent un peu là-dessus. Donc effectivement, on a beaucoup fait sur les arbres et les disques. C'est ce qui nous a le plus inspiré et ce qui paraissait le plus accessible et ludique pour les enfants. Donc voilà, la plupart des ateliers étaient complets, les enfants étaient ravis. Donc, Quelques exemples de ce qu'ils ont créé? Alors, on a fait des disques gravés, donc on a pris des CD qu'on a peints en noir, puis peints et gravés à la plume. Wow, ok. Après, on a fait des disques en carton, où là, c'était juste de la peinture, des petites textures un peu plus faciles. Les enfants d'aujourd'hui savent encore ce que c'est les CD numériques. Oui, même justement en voyant l'expo, ils disaient hey, pourquoi il y a des gros CD au mur. Ils savent, c'est bien. Mais on a fait aussi des dessins texturés, c'était très intéressant parce que l'artiste qui est là actuellement, Annie Tremsan, utilise beaucoup de matériaux différents dans ses œuvres et du coup, on voulait proposer ça aussi aux enfants, quoi, qu'ils puissent découvrir autre chose que juste crayon de couleur, feutre et acrylique, quoi. Okay. Donc voilà, ça a bien plu. L'artiste a participé aux ateliers ou pas du tout? Au scolaire, oui. Enfin, c'est elle qui les faisait, mais aux ateliers des vacances, non, pas vraiment. Enfin, Et elle a vu un petit peu le... J'imagine, elle a fait le tour. Elle est ravie un petit peu de ce qui a été fait. Je pense, oui. Je pense que on a eu un bon contact, donc la collaboration était très sympa et très intéressante. Peut-être des futurs artistes dans les enfants. On espère, oui. Oui, je pense qu'il y en a qui ont un bon potentiel. Et puis, beaucoup d'enfants qui revenaient régulièrement à tous les ateliers, donc... Voilà, on se dit qu'il y a vraiment un intérêt pour la chose et que c'est à développer, quoi. Et du coup, ces ateliers, c'est à chaque vacances scolaires ou pas du tout? Pas à chaque vacances scolaires. On le fait aux vacances d'été, aux vacances de Noël et aux vacances de février, puisque c'est les périodes les plus touristiques à la Bresse. Donc, aux autres, on n'en propose pas forcément. On peut éventuellement, mais en tout cas, c'est pas prévu. Parce que j'imagine les enfants qui reviennent, c'est plus des enfants du coin, pas forcément des enfants de touristes. Pas forcément. Ou alors, peut-être des enfants qui sont chez leurs grands-parents la Bresse, ça on a beaucoup. Et non, sinon il y a des touristes qui... Ok. Ouais, et aussi évidemment les Bressots, hein, mais c'est assez varié, il y a un peu tous horizons. Ok, les prochains ateliers, entre guillemets, c'est sur le thème de la lutherie, c'est ça? La prochaine expo, c'est sur la lutherie, Alors, on est seulement en train de commencer le parcours enfant. Et de toute façon, l'expo en elle-même est déjà très ludique, puisqu'on a les modules du musée de Mirecourt, donc qui font déjà une approche très pédagogique pour les enfants. Donc, on est en train de réfléchir au parcours, de le mettre en place. Et donc voilà, je peux pas vraiment en dire plus pour ce qui sera pour les enfants à suivre. Voilà. Mais ça va être une expo très chouette et justement qui va permettre aussi de voir autre chose parce que c'est un autre type d'art. Les enfants vont peut-être beaucoup se poser des questions sur le côté technique, comment c'est fait, comment ça marche, peut-être moins sur le côté artistique, ou justement vous avez essayé de mettre le côté artistique en valeur des luthiers Il y aura les deux en fait dans l'expo, puisqu'il y aura des photos qui montrent toute la fabrication d'une guitare, certains modules montrent aussi la fabrication d'un violon, et il y a un autre module sur les essences de bois, etc. Donc, il y aura vraiment tout le côté technique qui n'est pas forcément distinct du côté artistique parce que ça reste un art, quoi. On aura des épinettes, des guitares, des violons exposés. On aura même qui seront jouables par le public. Oh, ça va être très chouette. Et ils vont peut-être vouloir faire des ateliers, je sais pas, découvertes d'instruments. Eh ben, ce serait bien, ouais. Ouais, on va essayer de mettre des petites choses comme ça en place. Ok, et du coup, alors ces enfants, c'est ça, il y a des périodes scolaires, alors j'imagine c'est avec les écoles du coin, c'est ça, on fait venir des classes? Oui, oui, oui. Ouais. Vous avez comme ça des partenariats, alors c'est quoi, c'est la Bresse, Cornimont? Eh ben, essentiellement la Bresse, ouais. En fait, c'est donc il y a deux écoles, une école privée et une publique à la Bresse. Donc c'est les deux écoles, on fait maternelle et primaire. Ok. Donc après, ça dépend, on voit déjà avec les enseignants quelle période leur convient, quelle expo leur parle plus, donc. Donc ça s'organise aussi d'une part, et puis après les enfants viennent sur une semaine, on cale tous les ateliers scolaires. Ah oui, pendant une semaine, la maison de la Bresse est entre guillemets envahie. Oui, bon, j'ai une semaine, j'exagère un peu. Non, mais c'est bien, ça les fait revenir juste une fois en fait. Exactement, oui. Bah oui, souvent en plus les professeurs viennent avec, avant les ateliers, pour qu'ils découvrent un peu l'expo, afin de préparer ce qu'ils vont faire, et puis on essaye de faire venir aussi les parents, okay. Par le biais des enfants, parce qu'ils viennent pas forcément, ouais. Alors que les enfants sont vraiment très enthousiastes. C'est l'inverse en fait, c'est les enfants qui tirent la manche des parents pour qu'ils viennent découvrir de l'art. C'est quelque chose qu'on s'imagine pas forcément, mais c'est bien de savoir. Et du coup, j'imagine ça doit être un peu compliqué. On fait pas forcément la même chose pour des maternelles ou des primaires selon l'âge, non, des enfants. Oui, on adapte un peu. En général, c'est les deux auxquels moi j'ai participé. En tout cas, c'était Annie Tremsel qui les organisait, qui les préparait. Donc oui, elle adapte toujours un petit peu au niveau, quoi. Mais c'est toujours dans le même esprit. En fait, on a déjà fait la calligraphie. Les maternelles faisaient juste par terre, alors que les primaires faisaient sur table. Et là, les arbres, c'était le même atelier. Ok. C'est juste en plus petit, quoi. Les feuilles sont plus petites. Mais c'est tout. Et ils peuvent repartir avec leurs œuvres ou ils sont obligés de les laisser ici? Ah non, ils repartent. Ils repartent avec, ouais. Donc là, pour le dernier atelier, ils sont pas encore repartis avec puisque c'est exposé, mais sinon ils repartent avec, oui, bien sûr. J'espère que ils doivent les encadrer fièrement au salon. Mais oui, ça reste. C'est ça qui est génial, ils sont fiers, contents et ouais, c'est. Du coup, ils amènent leurs parents, quoi. Ok. Et du coup, toi, au sein de ton service civique, tu fais d'autres choses ou ça reste vraiment basé sur les ateliers enfants? Moi, je m'occupe aussi de l'accueil, quoi, quand on n'a pas d'atelier, rien de particulier en tout cas. Je m'occupe de l'accueil, je rencontre les artistes avec qui on va travailler pour mettre des choses en place. Et là, j'ai un projet pour la fin de mon service civique, qui est de créer un espace créatif beaucoup plus matérialisé, en fait, pour les enfants dans la salle d'expo. Donc, ça sera une petite maison à l'effigie de la maison de la Bresse, mais en miniature dans la salle. Et ça sera vraiment un espace d'expression pour les enfants, avec un grand mur qu'ils pourront peindre. Et ça serait quelque chose de permanent. C'est ça, oui. Qui restera après moi. Ok, au cours des expos, quelles que soient les expos, il y aura toujours cet espace. Oui. Ok, c'est quand la fin de ton service civique? C'est mi-mai à peu près. D'accord. T'auras une juste après le festival de sculpture. C'est ça. Je m'arrête au festival. Enfin, à la fin du festival. Est-ce que tu y participes ou il y aura des ateliers enfants ou pas du tout? Est-ce que toi, tu as un rôle à jouer dans ce festival? Oh oui. Bah, déjà, beaucoup d'accueil parce que c'est une période où on accueille beaucoup de monde. Mais oui, je pense qu'on va en profiter pour faire des. Cet atelier, ouais. Ouais, je sais pas encore, parce que c'est pareil, on fait un peu au fur et à mesure, quoi. Donc là, on est sur la lutherie, et je pense qu'on va vite en venir à ce sujet. Ok. Parce que du coup, là, c'est. Donc on est actuellement, c'est de neige et d'encre. Après, c'est dans leur corne, c'est ça, de l'expo. Oui. Et donc après, ça va être le festival sculpture. Oui. Okay. Et tu es passé par quelles autres expos? Parce que tu es là depuis combien de temps? Je suis là depuis juillet. Donc je suis passée par avant c'était Photosensible de Philippe Collignon. Ok. C'était très belle expo de photos. C'est des portraits, c'est ça, surtout. Il y avait des portraits, mais d'autres types de photos mais vraiment une rencontre magnifique. Ouais. Un artiste exceptionnel, elle est vraiment très très sympa. Avant, c'était de la calligraphie avec Janine Richard. Et avant encore, c'était. Donc, quand j'ai commencé, c'était Jean-Paul Négletolgen. Et entre figuration et abstraction. Donc, c'était de la peinture abstraite et figurative, comme le nom de l'expo l'indique. Donc, ouais, j'ai déjà fait. Enfin, ça, c'est que les expos principales. Ouais. Il y a eu aussi toutes les parallèles, qui étaient très chouettes aussi. Mais voilà, ça permet. Bah, déjà, c'est toujours des choses différentes. On ne fait pas deux fois de suite de la peinture ou de la photo. Et ben voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'événements très, très riches, quoi. C'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire, des ateliers pour les enfants? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est arrivé, t'as peut-être tout de suite été mise dans le bain, j'imagine. Quand t'es arrivée, il y avait peut-être déjà une exposition en place, ou c'était juste avant? Je suis arrivée le jour d'un stage de peinture, d'accord, justement, de Jean-Paul Négletolgen. Et donc le parcours enfant était déjà en place, mais oui, j'ai très vite fait, parce que c'était en été, donc du coup on avait des ateliers artistiques, des vacances, donc j'ai très vite été confrontée à ça, mais c'était très bien, ça s'est très bien passé. Et puis bon, je pense que justement j'ai progressé aussi dans mon approche des ateliers artistiques pour enfants, moi qui n'avais pas d'expérience avec ce public-là, en tout cas. Tu n'es pas seule, j'imagine, il y a quelqu'un avec toi, ou en tout cas, au moins à ton arrivée, il y avait quelqu'un un peu pour te passer oui, le relais. Oui, oui. Oui, en fait, on est trois sur la maison de la Bresse. Pour juste les ateliers enfants? Pour tout. Enfin, d'accord. Ouais. Ah, c'est trois personnes qui gèrent cette grosse maison? Oui, on a que le rez-de-chaussée, hein. On gère que le rez-de-chaussée. Oui, mais quand même, que les expos. Que trois personnes, c'est pas beaucoup. Bah, plus le directeur communication d'accord. Qui met tout en place, mais au niveau accueil, atelier, on est trois. Et donc une seule service civique, tu es la seule en oui, service civique. Oui, oui. Ok. Et alors, il y a d'autres choses un petit peu à la Maison de la Bresse. Donc, on a parlé aussi des tables rondes ou des soirées 20h04, par exemple. C'est des choses auxquelles tu participes? T'en profites un peu pour participer? Oui. Bah, j'essaye d'être là à toutes. C'est pas toujours possible, malheureusement. Mais oui, je participe. Bon, c'est beaucoup de mise en place. D'accord. Et puis, Donc, c'est aussi bien en tant qu'organisatrice qu'en tant que public, en fait. Oui, ouais. Oui. Ok. Après, organisatrice, c'est vrai que je participe pas forcément à l'élaboration de tel ou tel projet ou événement, mais juste à sa mise en place, quoi. Oui, c'est ça. Sur place, il y a toujours besoin de main pour installer et de choses comme ça, oui. Mais je suis très libre de donner des idées sur des expos s'il y a un atelier, enfin un événement où je me dis tiens, ça serait bien de faire ça. Ouais. Je suis libre de le proposer et ça peut le faire. Et justement, par rapport à cette liberté, t'es vraiment libre de proposer pas tout et n'importe quoi, mais où t'as un cadre un petit peu, on dit bah voilà ce qui a été fait avant, on attend ça de toi, ou c'est vraiment bah tu es libre, vas-y propose-nous des trucs. Je suis plutôt libre. Ouais. Justement, je pense que j'ai été prise pour apporter un peu de sang neuf ou quelque chose comme ça, donc je suis assez libre de faire ce que je veux, du moment que c'est intéressant pour tout le monde, quoi. Ok. Les gens, du coup, les deux autres personnes qui sont avec toi, c'est des gens qui sont spécialisés dans la culture avec les enfants ou pas du tout? Y en a une, oui, et l'autre est plus spécialisée dans l'accueil, mais voilà, il y a une très bonne cohésion dans l'équipe, un échange de compétences, en fait. C'est ça, l'idée, tu ne l'as pas forcément toute seule, tu l'as développée, parles avec d'autres gens, une espèce de brainstorming, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Puis okay. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on dialogue énormément, donc on échange des idées, des astuces. ton tuteur, c'est Xavier Battistella, c'est ça? Oui. Il est venu déjà à la radio, on le connaît bien. Enfin, on le connaît bien, du coup, non, je ne sais pas forcément. Est-ce que c'est une des deux personnes que tu as dit que tu étais avec ou c'est quelqu'un qui a un non, autre poste? Non, bah, oui, c'est un autre poste, mais évidemment, il travaille énormément pour la maison de la Bresse. Okay. Mais c'est vrai qu'il est plus souvent à la mairie qu'à la maison de la Bresse, à proprement parler. Mais bon, c'est lui qui coordonne tout et qui... C'est pas dur d'avoir le tuteur qui n'est pas forcément là tout le temps? Non, non, non, parce que bah déjà, c'est pas très loin non plus, donc s'il y a le moindre truc, on peut... Et puis, on échange beaucoup. Vous faites des points de temps en temps? On fait des points très, très régulièrement. Maintenant, on essaye d'avoir des réunions toutes les 2 semaines, tous ensemble. Donc oui, il y a vraiment pas de problème. Et je pense que bah, lui, ça lui va aussi de me laisser de l'autonomie, quoi, puisque... Bah, j'arrive à la gérer, donc... Oui, ça, ouais. Et il y avait d'autres services civiques avant toi, tu sais, ou pas? Non, non, non. T'es le premier service civique à la maison de Bresse? Ben oui. Ok. D'ailleurs, ils en cherchent un autre après moi, donc j'ai fait une annonce. C'est le moment de publicité, c'est ça. Du coup, c'est quoi? C'est pour juin, juste après toi, ou mi-mai, peut-être? Je pense que ça doit être pour juin, oui. Ouais. Ouais, peut-être pour les... Ça commence en été, ça serait bien, quoi, en tout cas. Ça sera les mêmes missions, j'imagine, atelier enfant. Oui, oui. Ouais. Bon, après, je le dis, mais je ne sais pas encore trop, mais bon, il a été évoqué qu'on chercherait quelqu'un d'autre. Ok, donc à regarder sur le site peut-être de la maison de la Bresse ou le site des services civiques. Oui, oui, oui. On fait tout de suite une petite pause musicale dans l'interview et je vous propose un groupe qui s'appelle La Belle Bleue avec leur chanson Morceaux de papier. Au fond de mes tiroirs se planquent des idées, elles dansent sans le savoir sur des petits bouts de papier. Le tango de l'espoir. Au fond de mes tiroirs se cachent des pensées, c'est moi qui fais le loup et j'ai fini de compter. Fallait choisir le placard. C'est la pagaille, le stylo plume est enrhumé, le crayon de papier se taille et sème ses copeaux épuisés. Y'a deux fusains qui se font la malle, la gomme est frêle et basanée, des ciseaux qui en cannibale dévorent mes morceaux de papier. Au fond de mes tiroirs germe de l'alphabet, des roseaux d'espoir aux ronces de nos clichés. Désherbons nos histoires, palam palam, pam palam palam pam palam, palam palam, pam palam palam pam palam, palam palam, pam palam palam pam palam, palam palam. Au fond de mes tiroirs meurent certains projets, mais leurs cendres nourrissent nos rêves de liberté. Acceptons leur décès. Vous êtes de retour dans l'émission de Portrait Civique. Alors vous venez d'entendre une chanson, morceau de papier de La Belle Bleue. Et on retourne tout de suite avec l'interview de Pauline à la Maison de la Bresse. Et alors, toi alors, comment tu as atterri en service civique? Comment t'en as entendu parler? Est-ce que t'avais de la famille, des amis qui étaient en service civique ou, le bouche à oreille ou des fois c'est la mission locale? Eh ben, j'avais une amie qui en avait fait un, ouais. Mais qui m'en avait pas forcément beaucoup parlé. Ouais. Et puis, j'habite à la Bresse, donc trouver du travail à la Bresse, c'est pas évident. Donc j'ai cherché, j'avais pas envie de faire quelque chose juste comme ça. pour dire que je travaille, quoi, là, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, service civique au travail, peu importe, ça va m'apporter quelque chose. Donc, j'ai trouvé comme ça, en fait, juste en cherchant du boulot, je me suis réorientée vers le service civique parce que la mission me plaisait beaucoup. Et puis, D'accord. Du coup, toi, c'était plus je cherche quelque chose géographiquement, c'est-à-dire la Bresse, comme t'es bressonne, et plutôt que par rapport à un certain thème. Ou t'étais vraiment attirée par le thème, c'est quoi, c'est d'être culturelle, vas-y. Non, c'est plus le thème, oui, parce que bon, je m'empêche pas non plus de bouger du tout, hein, mais ouais, trouver un boulot dans la culture à la Bresse, c'est quand même un peu le Graal. Ouais. Donc, puis oui, je suis très très intéressée par la culture. Après, c'est vrai que hein, tout le côté famille, enfant, je l'ai découvert ici, mais voilà, je suis un petit peu formée en art, donc... Alors, parle-nous de tes études. Qu'est-ce que tu fais comme études? Eh bien, j'ai fait un bac littéraire option cinéma, donc j'avais un petit bagage artistique. T'as fait ça, il n'y a pas ça à Malraux, c'est quoi, c'est Épinal? Non, c'était à Nancy, à Poincaré. Ouais, je viens de Nancy, en fait, à la base. D'accord. Et je viens pas du tout des montagnes. D'accord. Et après, j'ai fait de l'horticulture. Ah, t'as fait ça... Ça, je l'ai fait en Alsace. En Alsace, ouais. Ok. Ouais, ouais. Okay. Avec un stage dans les Vosges, donc toujours... Et c'est comme ça que t'as atterri dans les Vosges? Non, pas vraiment. C'est plus des raisons personnelles. Ouais, personnelles, ouais. Ouais, ouais. Ok, qui fait que t'as atterri ici. Oui. Ok, et tu savais qu'il y avait des services civiques aussi, par exemple, dans l'horticulture, ou c'est quelque chose que tu voulais laisser tomber, pas forcément? Il y a une... Comment ça s'appelle Alors, je sais pas si c'est l'horticulture spécialement, mais il y a une... Comment ça s'appelle? Une école, c'est à Rouville-aux-Chênes, oui, qui engage des services civiques. Toi, c'est quelque chose qui t'aurait plu? Ou ça fait un peu du bien de faire un peu autre chose, ça et ça de retourner vers de faire l'art. Autre chose, ouais, ouais. Parce que oui, moi, je viens plus de la culture de l'esprit, ouais. Et je suis allée vers la culture des plantes, et j'avais besoin d'un retour aux sources, en fait. Donc, puis oui, ça me manquait de... Ouais. Bah, tout ça, quoi, tout ce que ça peut apporter... Donc oui, je pense pas que j'aurais fait un service civique en horticulture. Pour le coup, ça serait plus pour moi un travail. Enfin, j'ai déjà, avant le service civique, j'ai travaillé en horticulture, en CDD. J'ai enchaîné quelques contrats, mais ça me permettait pas de m'exprimer. Enfin, j'étais pas prise pour ma personnalité. Donc là, ça me faisait du bien de faire un truc plaisant, ouais, quoi. Ouais, enfin, ouais. Simplement. Et tu peux, il n'y a pas un moyen de, comment dire, d'exprimer un côté artistique avec l'horticulture? Alors, c'est peut-être des choses qui n'ont rien à voir, je ne sais pas, de la composition florale ou de la création de jardin, c'est peut-être pas exactement les mêmes métiers? Pas exactement, et puis, enfin, si, je pense qu'il y a toujours moyen d'exprimer quelque chose, mais en tout cas, les contrats que j'ai décrochés dans l'horticulture ne me permettaient pas ça, quoi. C'était... du travail un peu à la chaîne, ouais, pas forcément, pas super bien, épanouissant, pas très humain, pas c'est très ça. Épanouissant, ouais. Et donc là, ça me, c'est pour ça que j'ai préféré faire autre chose. Et du coup, après le service civique, tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire? Pas vraiment. D'accord. Parce que ça arrive par beaucoup de choses. Ça arrive bientôt, non? T'as encore 2 mois, quoi, à peu près. Oui, ça arrive bientôt. On peut le dire. On peut le dire. Tu sais si tu vas rechercher du travail ou... Je pense, oui. Ouais. Enfin, de toute façon, il faudra. Ok. J'ai un logement à payer, donc il faudra. Mais ben oui, je ne sais pas encore quoi. J'ai pas envie de me fermer de porte. Beaucoup de choses m'intéressent. Alors, idéalement, si je pouvais trouver le même genre de poste que j'ai là, mais pour un vrai contrat, ce serait idéal. Mais... Tu voudrais rester un petit peu dans les ateliers avec les enfants ou... J'ai découvert en fait ici que ça me plaisait et que j'avais un bon contact avec les enfants. Donc ouais, c'est quelque chose qui me plairait aussi. Ouais. Pourquoi pas travailler peut-être, je sais pas, dans les des MCL comme il y a ici. Oui. Il y en a un petit peu dans chaque village, mais petite ville un peu... Oui, bah oui, faut que je me penche sur la question. Parce que du coup, tu as combien, toi? T'as 24 heures par semaine ou 35? Oui, 24 heures. Bon, après, c'est très variable. Hein. On a fixé le contrat à 24 heures, mais Ça dépend des périodes aussi. Là, on est ouvert beaucoup pendant les vacances, mais les horaires d'ouverture sont un peu plus restreintes hors période de vacances, quoi. Donc, c'est très variable aussi avec les événements, la table ronde qui arrive. Enfin, ça fait toujours un peu plus d'heures, mais bon, c'est... Tu t'adaptes en fait un peu à ce qu'il y a par rapport à chaque semaine, quoi. C'est ça, oui. Et alors, il y a certaines personnes en service civique qui en profitent un peu pour faire des projets personnels. Alors du coup, toi, c'est pas du tout ton cas, reprendre des études ou chercher un petit boulot à côté. Mais je sais pas, est-ce que tu en profites pour faire d'autres choses artistiques, du sport ou encore d'autres choses ou... Oui, j'avoue que ces dernières semaines, clairement pas, parce que voilà, c'était des semaines assez... Intense. Le mois de février était très long malgré les 28 jours. C'était très. J'ai beaucoup travaillé quoi, donc j'ai pas vraiment le temps de dégager. Tu rentres chez toi pour des faire fois, autre chose. Ouais, voilà, t'as juste comme n'importe qui envie de te reposer peut-être. Oui, c'est ça. Oui, et puis bon, là on ferme à 19h donc. Ouais. Voilà. C'est un peu. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour autre chose, mais. Il y a plein de choses qui peuvent naître de ça en tout cas. Ok, et c'était quelque chose que tu connaissais avant de faire le service civique, la maison de la Bresse, ou du coup pas du tout ? Eh ben même pas, non. J'habite pas à la Bresse depuis très longtemps, pour ma défense. Okay. C'est vrai que on a un problème aussi de signalétique, elle est pas forcément... Oui. Elle est très visible, mais on sait pas forcément ce que c'est. Donc non, moi j'avais jamais vraiment compris qu'il y avait des expositions... Ouais. Gratuite et très sympa, quoi. Donc, Entre guillemets, est-ce que tu as fait ton enquête avant de postuler ? Est-ce que tu es venu jeter un œil avant de te dire je postule ou je postule pas, ou, Eh bien, même pas. Même pas, parce que je m'étais renseignée un petit peu sur Internet. Et déjà, l'intitulé de la mission me plaisait beaucoup. J'ai eu tout de suite un excellent contact avec Xavier, donc... Et finalement, j'ai pas hésité, quoi. Je me suis dit, lançons-nous dans l'aventure, ça va être chouette. Et puis, je regrette pas. Et du coup, la maison de la Bresse, c'est quoi ? C'est une association exactement ou... Non, c'est en lien avec la mairie. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que du coup, imaginons que tu restes dans les coins de la Bresse. Tu peux pas venir, faire des choses pour la maison de la Bresse, quoi. C'est pas comme une association où tu peux venir en tant que bénévole, quoi. Je pense pas. Après avoir, moi, ça me déplairait pas. Enfin, en tout cas, pour tout ce qui est gros événements comme le 20h04, tout ça, il y a toujours des bénévoles qui sont recherchés, donc. Ou même le festival Camille Claudel, il y a toujours, comme dans beaucoup de festivals, j'imagine. Beaucoup des appels à bénévoles pour que les gens viennent aider. Et c'est quelque chose de gros, ce festival. Moi, j'y suis jamais allée, j'avoue, je m'en rends pas compte. Parce que du coup, c'est pas que la maison de la Bresse, en fait, c'est un des endroits où il y aura des choses exposées. C'est ça. C'est pas forcément vous qui menez exactement organisé ou si quand même. Il y a la majeure partie de l'organisation, c'est la mairie. Mais nous, on participe quand même. Et c'est une période assez intéressante, en fait. Il y a beaucoup de monde, forcément. Il y a déjà les sculpteurs qui viennent un peu partout. Et puis, ça commence à dater quand même, le festival. Donc, ça attire... Oui, c'est la 27e, c'est ça ? J'ai regardé, du coup, c'est du 5 au 13 mai, je crois. Du 5 au 13 mai, c'est ça. Oui. Ça fait 27 ans, c'est quand même déjà pas mal. Oui. Et donc, du coup, toi, tu connaissais alors, quand même ? Eh bien, je connaissais vaguement le festival. J'y suis jamais allée. D'accord, oui, c'est pareil. Mais oui, je pense qu'il est assez réputé, puisque moi, venant de Nancy, j'en avais entendu parler. Ah, d'accord, donc, ok. Je ne savais pas qu'il y avait une aussi grande... pas communication, mais réputation, en fait, de ce festival. Ouais. Et d'accord. Donc, du coup, peut-être que tu... quand tu seras plus en service civique à la maison de la Bresse, tu viendras quand même peut-être en tant que public alors. Mais bien sûr, aux tables rondes ou aux 20h04. Oui. Non, c'est vrai qu'on fait beaucoup de. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent, en fait. Et, ouais. Participatif aussi, en fait. C'est pas juste visiter des expos, quoi. C'est ça, oui, oui. Ok. Eh ben, moi, j'ai fait un petit peu le tour de mes questions. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la Maison de la Bresse ou ton service civique en général? Je peux annoncer la prochaine expo. Oui. L'événement aura lieu le 16 mars et on aura un concert conté sur Chopin. Donc avec Gilles Laporte qui racontera la vie de Chopin et une pianiste qui jouera des morceaux, quoi. Donc c'est ça va être une très belle soirée, très intéressante. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir l'expo en musique, quoi. Alors, pour vous suivre, c'est sur Facebook avec la page La Maison de la Bresse ou bien le site internet maisondelabresse.fr, c'est ça ? C'est ça. Ok, parfait. Et puis, si vous passez dans le coin de la Bresse, donc c'est en... Je ne sais pas si on peut appeler ça le centre-ville, mais en tout cas, c'est juste à côté de la grande rue. C'est vraiment facile à trouver, quoi. Ouais. C'est au centre. Est-ce que tu... Voilà, dernière question. Est-ce que tu recommanderais le service civique à quelqu'un qui... Voilà, imaginons qu'il y a un auditeur, une auditrice qui nous écoute et qui se dit, ouais, pourquoi pas, moi, je me dirais... Enfin, ça m'intéresserait bien de faire la Maison de la Bresse, donc peut-être après toi. Comme on a dit tout à l'heure, il y aura peut-être une nouvelle mission. Est-ce que tu le recommanderais? Et est-ce que tu recommanderais en particulier la Maison de la Bresse ou le service civique en général? Et qu'est-ce que ça... Est-ce que tu peux déjà faire un petit bilan de ce que ça t'a apporté? Ou c'est peut-être encore trop tôt? T'es trop encore dedans? C'est vrai que je suis encore beaucoup dedans. Donc, ouais. Après, j'ai conscience de ce que ça m'a apporté aussi. Et je le recommanderais à la Maison de la Bresse, en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Après, c'est vrai que le service civique en tant que tel... Je sais pas si c'est recommandé ou pas, au goût de chacun, mais la Maison de la Bresse, le faire ici en tout cas permet beaucoup de choses, quoi, de très belles rencontres, un enrichissement intérieur, quoi, personnel. Donc oui, venez faire un service civique à la Maison de la Bresse. Ok, merci beaucoup Pauline. Mais merci. Et puis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cette émission de Service Civique. On se retrouve mercredi prochain à 14h. N'hésitez pas à réécouter la première émission de Portrait Civique, qui est une émission spéciale donc pour répondre à toutes vos questions générales sur le service civique. Hein, parce que voilà, on n'en parle pas à chaque émission, effectivement, parce qu'il y en a une première qui a été faite. Voilà, n'hésitez pas à retourner sur le site internet pour écouter ce podcast. Donc radiogemozo.eu ou encore sur Facebook. Bonne semaine et à la semaine prochaine.